Chapitre 10e, l'ambassadeur du major. Agissant selon les ordres qu'il avait reçus, Gilbert Arnold dit à sa femme, quelques jours après la visite du major, qu'il commençait à se fatiguer de ce trou et qu'il allait partir pour l'Amérique, où il pourrait passer pour un homme aussi bon qu'un autre et où il ne s'entendrait plus jeter sans cesse au visage tous les jours de sa vie les peccadilles de sa jeunesse. Cette élégante remarque était un coup de patte au bienveillant recteur qui considérait M. Gilbert Arnold comme un excellent pénitent, et qui lui apportait des livres religieux sur lesquels l'ancien braconnier discourait avec une hypocrite onction. « Oui, » dit Gilbert, après une longue conversation avec sa femme, qui pleurait amèrement à la pensée de quitter sa bonne maîtresse et sa maison pour braver les périls d'un voyage en Amérique, avec un mari qui n'était ni bon ni attentionné. « Oui, » dit-il, « cela ne te servira à rien de pleurer ou de faire ce bruit-là, car que cela te plaise ou non, nous serons en route pour New York d'aujourd'hui en 3 semaines. Donc, tu ferais mieux de mettre ton chapeau et d'aller au château, dire à Milady que tu vas la quitter, afin qu'elle puisse trouver quelqu'un pour nous remplacer dans ce trou et pour être foulée sous les bottes luisantes de son beau capitaine. » Gilbert Arnold insistait sur ce détail, comme s'il faisait partie de son service, bien qu'il n'eût jamais rencontré que de l'indulgence chez Mrs. Walsingham et chez son mari. Donc, Rachel ne pleura plus, ou si elle pleura, ce fut en silence et loin des yeux de son mari, qui restait au coin du feu, fumant sa pipe et la suivant du regard pendant qu'elle s'occupait des préparatifs du voyage. Elle pâlissait de terreur à la pensée de ce qui l'attendait, mais elle avait tellement peur de son mari que si un matin il lui eût proposé de se pendre tous les deux, elle n'eût peut-être pas osé s'y opposer. Les 3 semaines se passèrent rapidement. Rachel dit adieu à sa maîtresse, et elle, Gilbert, l'enfant et leurs bagages furent transportés dans une charrette à la station du chemin de fer. Il faisait nuit quand le train arriva à Londres. En entrant dans l'embarcadère, Gilbert vit sur la plateforme un homme dont le visage ne lui était pas inconnu. Cet homme, c'était M. Salamons, le valet juif du major Barney. « Oh, vous êtes exact, » dit-il, comme Arnold descendait de la voiture. « Veillez à vos bagages. Faites-les mettre dans ce cab et venez me trouver. Je vous donnerai l'adresse de la maison où vous devrez vous faire conduire. » « Vous feriez mieux de venir avec nous, » dit Gilbert. « Nous sommes étrangers ici, et j'aimerais assez avoir avec moi quelqu'un qui connut les environs. » M. Salamons promena malicieusement ses yeux noirs sur Gilbert Arnold. Le garde, portant une lourde veste de matelot avec un cache-nez à rayures autour du cou, une casquette en peau de lapin sur la tête et un paquet à la main, ne faisait pas l'effet d'un voyageur très élégant. « Vous vous y ferez, » pensait le valet du major Barney. « Pour le moment, vous êtes avec nous. » Vous attraperez un peu de science avant qu'il soit longtemps. Maintenant, vous avez la meilleure volonté du monde, mais vous n'avez pas assez de talent pour être des nôtres. Mais ça viendra, ça viendra. » Gilbert Arnold rassembla ses bagages, mit sa femme dans un cab et jeta son fils après elle, puis revenant à Madame Salamons, lui dit d'un ton bref, « Eh bien ?»« Eh bien quoi ?»« Lord Chesterfield ?» demanda le valet. « Par ici, un peu vite, car j'ai besoin de me rafraîchir un peu. »« Oh !» Vous voulez vous rafraîchir? Très bien, voici l'adresse. Donnez-la au cocher, et quand vous serez arrivé, donnez-lui une demi-couronne. Et s'il demande davantage, fermez-lui la porte au nez. Je passerai chez vous avant 10 heures, ajouta Salamons, comme Arnold hésitait. Ainsi, allez-vous-en. Et sur ce, le factotum du major tourna le dos aux gardes et quitta la gare. Allons, se dit-il en lui-même. Voilà un singulier échantillon des instruments du major. Et je veux être damné, si je vois où mon chef veut en venir. Mais je suppose que je ne risque rien en exécutant ses ordres. Notre grande association commerciale a mis la main sur du nouveau, et le temps montrera si cela valait quelque chose. Le cab conduisit le digne Gilbert et sa famille à une maison d'une rue obscure au-delà de Waterloo Road. Ils descendirent tous trois, et furent reçus par une femme pâle, ayant sur la tête un bonnet de dentelle noire, qui les introduisit dans un salon proprement meublé qui, dit-elle, avait été retenu pour une famille de Yorkshire du nom de Green. Comme les Arnold ne répondaient ni l'un ni l'autre au nom de Green et ne venaient pas du Yorkshire, Rachel allait dire qu'il devait certainement y avoir une erreur. Mais Gilbert l'arrêta en fronçant le sourcil et dit que c'était très bien et que tout ce que la dame pouvait faire de mieux, c'était de lui procurer de la bière et quelque chose à manger. La femme, ayant apporté de la bière et quelque chose à manger sous la forme de côtelettes de mouton, avec de l'eau chaude versée dessus en guise de sauce, Gilbert Arnold s'assit devant la petite table et mangea énormément, après quoi il dit à sa femme et à l'enfant de manger un morceau. Il se mit à fumer sa pipe en silence pendant que Mrs. Arnold et l'enfant mangeaient les restes de côtelettes et buvaient le fond du pot de bière. Puis il leur conseilla d'aller se coucher ensuite, car l'individu qu'ils avaient rencontré à la gare allait venir, et ils n'avaient pas besoin d'eux pour espionner et écouter ce qui allait se dire. Rachel prit l'enfant par la main et se retira sans répliquer dans sa chambre à coucher située à l'étage supérieur, et Gilbert, resté seul, continua à fumer et à boire jusqu'au moment où 10 heures sonnèrent. Il entendit alors un double coup de marteau frapper à la porte de la rue auquel il répondit lui-même. Il trouva M. Salamons debout sur le seuil. « J'espère que vous avez un bon feu, » dit ce gentleman en entrant dans le salon, « car il fait un froid à vous geler le nez. » Le valet au nez crochu avait pris une bonne partie des manières faciles et libres de son maître. Il se jeta sur le fauteuil qu'avait occupé M. Arnold, le roula près du feu et mit ses pieds sur les chenets. « Maintenant, dit-il, écoutez-moi. C'est une règle générale, chez moi et chez la personne qui m'emploie, de ne jamais dire un mot inutile. Donc, si vous ne faites pas bien attention, vous ne saisirez pas mon intention. Il est probable qu'on aura besoin de vous, ou plutôt, c'est de votre femme dont on aura besoin, ou peut-être même de votre fils, peu importe. C'est le désir de la personne qui m'emploie que vous restiez dans cette maison jusqu'à ce qu'elle prenne d'autres arrangements pour vous. Vous ne ferez pas de questions, et si les autres vous en font, vous n'y répondrez pas. Vous recevrez chaque semaine un bon de 30 shillings sur la poste payable à John Green, nom que vous porterez jusqu'à nouvel ordre, et venant de Alfred Salamons. C'est autant que vous pourriez gagner en travaillant. Ainsi donc, vous devez être content. À propos, vous pourriez avoir davantage, et si vous vous comportez bien, vous pourrez être riche un jour. Si quelqu'un vous demande qui vous êtes un cordonnier, un charpentier ou n'importe quoi, sans travail. Si on vous demande comment vous pouvez vivre, dites que vous avez un frère riche, bien posé dans le monde, qui vous fait une rente hebdomadaire. Jusque-là, c'est assez facile. Maintenant, votre tranquillité repose sur 2 conditions, en vous souvenant toujours de Josiah Bird. La première de toutes, ayez bien soin de votre enfant. Gardez-le comme vous garderiez un prince de sang royal s'il vous était confié. Qu'il lui arrive malheur, et il vous arrivera malheur. Voilà la première condition. La seconde, c'est le silence. S'il n'arrive jamais à mes oreilles, ou aux oreilles de celui qui m'emploie, que vous ayez seulement prononcé son nom, ou même mon nom, vous entendez parler de Josiah Bird. Maintenant, bonsoir. Éclairez-moi, ouvrez-moi la porte. M. Salamons avait débité ce discours avec une telle rapidité que le garde étonné fut totalement incapable de l'interrompre par une seule question, et avant qu'il fût complètement revenu de son étonnement, le valet du major avait tourné l'angle de la rue et disparaissait dans Waterloo Road. « 30 shillings par semaine, se dit Gilbert, c'est assez maigrement payé, pour un beau monsieur comme le major Barney. Mais il sait sur mon compte de quoi me faire pendre, de sorte qu'il faut que j'accepte ce qui lui plaît de m'offrir. Que le diable !» Sur cette concluante et très favorite exclamation, M. Arnold se mit au lit, mais il ne dormit point. Il ne fit qu'entendre toute la nuit les bruits de Waterloo Road, ou tomber dans des assoupissements pendant lesquels il rêvait qu'il était dans un bois, près de Seven Oaks, écoutant chanter l'alouette au-dessus de sa tête, et regardant le visage pâle et couvert de sang d'un homme mort.